Alors, nous allons continuer de méditer les évangiles, donc dans cette lumière de la joie de la résurrection, mais aussi dans la lumière de la lettre que le pape François avait adressée aux jeunes au dimanche des Rameaux. Je crois que la semaine passée, mon confrère vous en a déjà parlé un petit peu, donc de cette lettre dans laquelle c'était le pape qui s'adressait, qui reprenait la phrase de l'ange à Marie qui lui disait « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et d'une certaine façon, cette lumière, oui, cet épisode-là s'est passé au tout début, avant même que Jésus advienne. Jésus n'était pas encore fait chair, mais par ce oui à cette vocation, Marie a permis à Jésus de se faire chair. Mais si on pense à après la résurrection, Jésus a fait des choses semblables, entre autres avec ses disciples, et entre autres avec Pierre. On se souvient, Pierre, de l'épisode, d'une part, avant la mort et résurrection de Jésus, Jésus l'a appelé, il avait dit « Pierre, viens-t'en à ma suite, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Pierre avait d'abord dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis juste un pauvre pêcheur », il avait eu peur. Mais là, on sait qu'au moment de la Passion, Pierre n'a pas été capable d'aimer jusqu'au bout, sans trahir celui qu'il aimait. Pierre a flanché. Il a dit par trois fois, je ne le connais pas lui. Je ne le connais pas. Quelqu'un disait, mais oui, tu parles, tu es un Galiléen, tu es de sa gang. Non, je ne le connais pas, je vous jure, laissez-moi tranquille. Il a eu peur et il a comme renié Jésus. Donc, il a dû se dire, foutu ma vocation, Jésus m'avait dit, tu vas être le chef de l'Église, toute ma carrière est scrap. Il a dû... Donc, bon, il n'était pas au niveau d'une carrière, mais plus profondément, ce qui a dû le blesser, c'est, je n'ai pas réussi à tenir ma parole. Je lui avais dit que je le suivrais, puis je n'ai pas été capable de le suivre. Donc, ça devait l'affecter, puis il devait se dire, ben voilà, c'est fini, je vais être comme peut-être un chien errant sans son maître, puis je n'ai plus rien à faire. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé, il lui est apparu une autre fois, où là, il était avec d'autres disciples, il y a eu une autre pêche miraculeuse après sa résurrection, mais là, il prend Pierre à part, puis il lui dit, viens, on va aller marcher un petit peu. Et il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre, il dit, « Seigneur, tu sais, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? » Deuxième fois, Pierre lui dit, « Oui, je t'aime. » Troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Et là, Pierre est un peu triste parce qu'il se souvient que trois fois, il l'a renié. Puis il dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » mais d'un amour pauvre qui est le mien. Et puis finalement, Jésus lui dit, « Paie mes brebis », à chaque fois même, à chaque question, il lui dit, « Occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes brebis. » Donc, Jésus dit un peu la même chose que l'ange avait dit à Marie, « Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Il le dit à Pierre, malgré sa chute, malgré sa faute, il lui a dit, « Je t'appelle pareil. » à faire quelque chose de bon dans ce monde, à faire quelque chose de bon même pour l'Église. Dans sa lettre, le pape avait, ça a été évoqué la dernière semaine, le pape disait qu'il y a toutes sortes de peurs qui nous habitent, et des peurs des fois fondées, parce que oui, il est arrivé des choses qui nous ont blessés, il y a eu des échecs, des choses qui n'ont pas marché. Voilà. Et pourtant, reste vrai la parole de l'Évangile d'aujourd'hui, le dernier verset, je vous invite à le relire. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Cette phrase, Jésus l'a dit à 12 pécheurs, à 12 personnes faillibles et qui avaient tombé et qui allaient tomber. Et pourtant, ça n'a pas empêché Jésus de dire « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et saint Irénée dira, un père de l'Église, qui était l'évêque de Lyon, un des premiers évêques, disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. » On pourrait dire aussi « La gloire de Dieu, c'est l'homme relevé. » Après qu'il soit tombé, il s'est relevé. pas tout seul. Hein, Jésus le dit bien, vous êtes les sarments, comme les sarments sur la vigne. Moi, je suis la vigne. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu te déconnectes, tu tombes et tu portes plus de fruits, tu deviens sec. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, il a compté que sur ses forces. Il a dit, Jésus, je vais te suivre jusqu'à la mort. Et là, oups, il s'approche et il essaie de suivre Jésus de loin, mais là, il voit que ça se gâte. Il laisse sa peur habiter tout son cœur, sa pensée, son être, puis là, il panique. Et dans sa panique, il se déconnecte de Dieu plutôt que de se rebrancher sur Dieu. Et dans sa panique, il fait un mauvais choix. Il renie par trois fois celui qu'il aime. Demandons à Dieu la grâce, une première grâce à retenir ce soir et à demander, hein, pour répondre à l'appel de Dieu qui comporte beaucoup de fruits, qu'on réponde à notre vocation de porter du fruit. Demandons à Dieu la grâce de rester connecté. Et surtout, si ça commence à se gâter, d'avoir le réflexe de dire, oh là là, OK, stop, 30 secondes pour les événements qui se passent, touc, on ferme les yeux, on se plonge à l'intérieur, Jésus, viens m'aider, je vais flancher. J'ai une amie qui racontait que justement, elle a compris qu'on peut se brancher, et lorsqu'on se branche, bien, on puise à une force qui est plus grande que nous. Eh bien, elle me disait récemment qu'elle était dans une réunion de travail, puis là, oups, les gens étaient en train de dire des choses qui l'irritaient, qui l'énervaient, puis elle sait que d'habitude, pouf, elle explose. Et là, mais là, elle a senti se venir. Puis elle a dit, oh là là, ça va être la catastrophe, je vais encore défoncer ce qu'il ne faut pas défoncer. Et là, petite lumière intérieure, branche-toi à Dieu pour qu'il t'aide. Touk, elle a fermé les yeux, pas longtemps, pour pas trop que les autres s'aperçoivent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est parti. Et là, elle a respiré, Jésus aide-moi, t'es mon Dieu, et pouf, elle a dit, c'est étonnant, chloum, je suis revenu dans l'essentiel de la conversation, j'ai réussi à rester calme et à focusser là où il fallait focusser. Dieu m'a aidé. Donc, première grâce à demander à Dieu, demandons la grâce de rester branché. Et encore une fois, vous pouvez prendre le réflexe. J'ai écouté des petits CD de Simone Paco, géniaux, dans lesquels elle nous rappelle qu'on a un cœur profond et c'est là que Dieu veut qu'on aille se brancher en nous. Dieu n'est pas loin, il est en nous. Et elle faisait sonner sa montre, Simone Paco, elle faisait sonner une petite horloge, une petite alarme à chaque heure pour prendre le réflexe de dire « Oups, stop, 10 secondes, je suis en train de faire des choses ». Je me branche. Et plus on fait ce réflexe-là, eh bien, plus on arrive à être connecté, mais continuellement, en courant, non pas tant alternatif, hein, une journée je suis connecté, puis cinq je suis déconnecté, mais de plus en plus je rebranche mon cœur sur la source de la patience et de l'amour. Donc, petit premier conseil pour voir clair et pour ne pas se décourager même dans les appels de Dieu sur nous, restez connecté. Le pape dit que pour discerner notre vocation, hein, et notre appel, l'appel spécifique de Dieu sur nous, il faut justement être connecté pour l'écouter. Parce qu'il dit une vocation, ce n'est pas juste le fruit d'une introspection. Ce n'est pas juste je me regarde, mes talents, mes faiblesses, puis là je fais un bilan, une formule mathématique, puis pouf, ma vocation est donnée. Non, c'est un peu plus subtil que ça. C'est une relation avec Dieu. Et Dieu m'appelle à, dans mon amitié avec lui, à refléter un aspect unique qu'il m'invite à refléter de sa bonté, de sa personne, de sa vie. Et pour ce faire, ben le pape rappelle une chose basique. Si tu veux comprendre ton chemin, prends du temps avec Dieu. Avec l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre. Hein. C'est l'un des points que le pape François dit. Pour connaître et trouver son chemin, sa vocation, il faut s'ouvrir à l'autre. On est un être relationnel. On ne peut pas juste trouver tout notre chemin en nous. On le trouve dans une relation d'abord avec Dieu. Donc, pas de prière personnelle, et bien pas de vision claire sur notre chemin. Demandez à Dieu du temps pour faire des cœurs à cœur avec lui. Et dans la prière personnelle, il y a entre autres la prière avec la parole de Dieu. En Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit « Demeurez en moi comme moi en vous, nul ne peut porter du fruit », mais il dit déjà aussi hein, « Mon Père émonde purifie la vigne ». Il la purifie, c'est-à-dire il enlève une vigne, hein, ça pourrait faire toutes sortes de branches inutiles. Ben, un bon vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il va tailler la vigne pour qu'elle ait peu de branches, mais qu'elle mette son énergie dans les fruits. Eh bien, Jésus dit qu'une des premières choses qui nous purifie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un couteau, d'ailleurs, la Bible le dit, comme un couteau à double tranchant qui connaît les pensées secrètes du cœur et qui tranche l'inutile du sérieux et du profond. Donc, exposez votre cœur au couteau tranchant de la parole de Dieu, mais pour que vous soyez une vigne, un sarment qui porte beaucoup de fruits. Donc, du temps avec Dieu pour discerner son chemin, mais aussi s'exposer à la parole de Dieu qui va parfois nous déranger, mais c'est bon, elle va me conduire à la bonne place. Le pape François continue en disant, c'est bien, il y a l'autre en tant qu'autre, en Dieu qui m'aide, qui me purifie. Mais il dit, il y a aussi les autres qui peuvent m'aider à discerner mon chemin. Parce qu'on se comprend dans nos relations avec les autres. Et il dit, dans les autres, il donne l'exemple du petit Samuel dans l'Ancien Testament, qui est un jeune prophète apprenti, on pourrait dire, qui est près de Élie. Et à un moment donné, il est là à prier dans la nuit, dans le temple. Puis là, il entend une voix qui dit, Samuel, Samuel. Là, il ne sait pas trop, il va voir Élie, puis « M'as-tu appelé? » Là, Élie dit « Non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il retourne se coucher. « Samuel, Samuel! » Il retourne voir Élie, « M'as-tu appelé? » « Non, non, je ne t'ai pas appelé. » Puis une troisième fois, « Samuel, Samuel! » Il retourne voir Élie, « Ben, m'as-tu appelé? » Là, et là, Samuel comprend, le vieux prophète, il est sage, mais ça y prend du temps. Alors des fois, acceptez avec patience que les vieux sages, les prêtres ou les autres qui vous conseillent, qui ne comprennent pas tout de suite. Hein, des fois, ça nous prend un petit décalage avant de nous-mêmes comprendre ce que Dieu veut vous faire comprendre. Mais là, Élie est en train de comprendre, oups, en fait, c'est le Seigneur qui est en train de l'appeler, le petit Samuel, et de vouloir lui dire quelque chose de particulier. Alors là, Élie comprend, il dit à Samuel, la prochaine fois que tu vas entendre ton nom, réponds simplement ceci, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et commence la relation personnelle de Samuel avec Dieu, où il apprend lui-même à écouter directement le Seigneur et pas juste par l'intermédiaire de la voix d'Élie. Mais il a fallu ce Élie qui connecte les deux fils, qui l'aide à dire, oups, en fait, ça c'est Dieu qui t'appelle. Donc, le pape, il dit, ouvrons notre cœur, ouvrons nos questions quand on a des grands choix à faire de vie, de couple, de carrière, etc. On peut dire, oups, j'ai besoin d'un recul, quelqu'un avec qui je vais pouvoir expliquer ce que je vois comme pour, comme contre, comme appel, et écouter les petits conseils. Encore une fois, ces personnes sages, hein, que ce soit un prêtre ou d'autres conseillers spirituels ou autres, ces personnes sages dans la foi, ce ne sera jamais les personnes qui vont choisir à votre place. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, trop le fun de dire, tiens, je te dis ça, ça, ça, puis dis-moi ce qu'il faut qu'il fasse. Ce n'est pas ça qu'un bon accompagnateur va faire. Il va normalement écouter avec vous, essayer de comprendre ce que Dieu vous dit, écouter, essayer de comprendre comment vous interprétez ce qui vous arrive, les paroles, les signes, les paroles de la Bible qui vous touchent, et là, il va probablement dire, je pense que tu as raison, hein. Ce que tu dis, là, ça fait du sens, et peut-être qu'effectivement, le Seigneur t'appelle dans telle direction. Ou il va peut-être poser des questions, dire, as-tu pensé à ceci, cela? Et voilà, comme un guide, hein, comme quand on va, je ne sais pas s'il y a des amateurs de pêche ou de chasse en pourvoirie, dans des territoires que vous ne connaissez pas, eh bien parfois, on prend un guide de pêche ou un guide de chasse, qui connaît bien où est le troupeau, où est le poisson, puis il va nous dire, ben voilà, par là, il y a des choses, par là, il y en a d'autres. Si on va là, c'est plus, par exemple, du gros poisson, mais c'est dur d'empoigner. Si tu vas par là, ben, il y a plein de poissons, mais ils sont plus petits. Choisis. Et finalement, c'est nous qui choisissons. Donc Dieu, à travers ces personnes guides, eh bien, ces personnes guides ne choisiront pas notre place, mais ce sera toujours nous, dans notre relation personnelle avec Dieu, qui aurons à choisir. Et après, le pape parle de d'autres personnes. Il dit, eh bien, évidemment, il y a nos guides, mais il dit, après ça, il y a tous les autres, nos frères et sœurs dans la foi. Hein, il y a des gens, des amis, des gens de bon sens dans la foi, dans la paroisse. Et ici, vous êtes chanceux, vous êtes plein de monde de bon sens dans la foi. Hein. Je connais nombreux d'entre vous, pas tous encore, malheureusement, j'aimerais bien. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez plein de bon sens. Et je sais déjà que vous vous faites du bien dans vos petits conseils. Mais toujours demeurera cette même vérité. Ultimement, hein, l'autre ne remplacera pas votre prière personnelle dans laquelle Dieu va confirmer ce qu'il veut de vous. Mais tout ça, c'est appelé, cette voie intérieure est appelée à être confirmée par la voie extérieure de l'Église et de la communauté. Et c'est très rare que Dieu nous demande des choses et qu'aucune personne d'Église, des proches, des frères, des sœurs, des prêtres, que tout le monde pense que ce n'est pas ça. Normalement, il y a au moins l'une ou l'autre personne qui va dire « Ah, moi, j'y crois à cette affaire-là. » Comme dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, on a vu Paul, qui a eu une forte expérience, qui s'est mis à annoncer Jésus. La plupart des disciples étaient un peu craintifs. Ils disaient « Oh là là, lui, c'est l'ancien tueur de chrétiens, là, on ne veut pas trop. » Mais là, oups, il y a quelqu'un qui s'est approché, Barnabé. Puis Barnabé qui a vu de plus près Paul, qui a vu les signes de sa vie transformée. Il dit « Il annonce la parole, il est cohérent. Je crois dans la grâce qu'il dit avoir reçue. » Et je nous invite à lui faire confiance. Et donc, finalement, il y a une personne d'Église qui se lève, qui dit « c'est vrai ce qu'il vit » et qui nous confirme. Donc, demandons à Dieu la grâce de faire confiance à la réalité telle qu'il l'a construite, hein, de nous dire à l'intérieur des choses, mais aussi de les dire par l'extérieur, par la voix de l'Église. Et ensuite, il parle de toutes les amitiés, comme je l'avais dit là, de l'amitié, il dit que nos communautés devraient être des lieux où on rêve, où on peut s'éclairer, hein, et ensemble, une communauté devrait être le lieu d'émergence des vocations diverses et spécifiques. Moi, je souhaite que dans cette paroisse, ce soit un terreau où vous trouviez votre chemin personnel. Et je sais que c'est effectivement le cas, hein, je vois parmi vous des couples là, qui se sont mariés. Il y en a que j'ai mariés et qui ont trouvé leur époux-épouse dans cette assemblée. Ça a été le lieu de discernement, hein, de leur vie conjugale. Et vous savez qu'il y en a d'autres qui ont trouvé leur vocation spécifique. On a 3 jeunes hommes qui sont issus de cette paroisse, qui sont au séminaire actuellement avec la communauté de l'Emmanuel. Ils sont en Belgique, mais il y en a 2 qui reviennent cet automne. Et il y a d'autres filles. Il y en a une qui est allée discerner chez les Carmélites, une autre chez Eucharistène en Suisse. Et il y en a 3 qui sont en discernement pour la vie consacrée avec les sœurs de la communauté de l'Emmanuel. Une communauté vivante devient un lieu normal où on trouve sa place. Et aussi, trouver sa place, hein, il y en a qui trouvent, tiens, moi, ma vie porte du fruit quand je suis investi dans Alpha, ou d'autres quand je m'investis dans la musique, d'autres dans le théâtre, d'autres dans le bistrot. Et avec le regard des autres, on arrive à trouver, au fond, qu'est-ce que je porte? Et aujourd'hui, un petit clin d'œil, vous savez, c'est le 29 avril. Vous savez, c'est la fête de qui? Sainte Catherine de Sienne. C'est peut-être aussi la fête de quelqu'un dans l'Assemblée? C'est la fête de quelqu'un dans l'Assemblée? Oui, bonne fête là-bas. Alors, mais aussi, on vous chantera bonne fête tantôt. Alors, mais c'est aussi la fête de Sainte Catherine de Sienne. J'aime beaucoup cette sainte. Hein, Jean-Paul II a repris l'une de ses phrases très fameuses en l'an 2000 aux jeunes du monde entier. Il a dit « Si vous êtes ce que vous devez être », c'est quoi la suite? Il y en a beaucoup qui la savent. « Vous mettrez le feu au monde entier ». Je le répète tranquillement. Si vous êtes ce que vous devez être, c'est-à-dire si tu déploies ce que tu portes, et ce que tu portes, ce n'est pas ce que porte le voisin, c'est spécifique, unique à toi. si tu es, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier, c'est-à-dire que vous allez faire du bien, porter de la lumière, mais d'une façon unique et à des endroits uniques, là où d'autres ne peuvent pas mettre de la lumière. Encore une fois, moi, je mets de la lumière ben, comme je peux, hein, avec une petite veilleuse, mais ici, un petit peu à l'autre paroisse où je travaille, dans ma famille, mais je ne peux pas mettre la lumière directement dans votre milieu de travail, dans votre classe, avec vos amis, dans vos loisirs que vous faites. Je ne suis pas là. Qui peut mettre de la lumière là? Eh bien, c'est vous. Et comment? Ben, à votre façon. Le fruit de votre propre amitié avec Dieu. Donc, la vocation, elle est à la fois, il y a des grands états de vie à choisir, hein, prêtre, religieuse, marié, ou un don pour une grande cause, ça, c'est des grands chemins. Mais autre que ça, il y a comment, par exemple, moi, je serai prêtre, ou si vous mariez, ben, comment on va vivre notre vie familiale? Si je travaille comme médecin, ben, comment je vais vivre ma vie de médecine ou de travailleur? Il reste encore plein de choses à discerner. La couleur que j'aurai dans ma vie. Pour ça, la prière, la parole de Dieu, les autres, les vieux sages, les prêtres, les consacrés, mes frères et sœurs, la communauté, c'est autant de moyens de discerner. Et avec tout ça, je vais trouver ma place et ensemble, vous allez mettre le feu. Et ça va être tellement beau, le feu d'artifice qui va sortir d'ici, hein, et pour repartir dans le monde. Seigneur, on te remercie de ton appel aujourd'hui. Tu nous redis dans l'Évangile, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, que votre fruit demeure, que vous soyez mes disciples. Jésus, aide-nous. Ce n'est pas facile, très souvent on se trompe, on s'illusionne, on a peur. Et merci de nous donner des frères et sœurs dans la foi pour nous aider à trouver notre chemin et à porter du fruit et que ce fruit demeure. Mais Seigneur, donne-nous la grâce de rester connectés à toi. Amen.